a cité une chaîne de transmission remontant jusqu'à Abdurrahman ibn Abi Bakra, d'après son père, qui a mentionné que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était assis sur sa chamelle et qu'un individu tenait les brides. Et il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quel jour sommes-nous? Nous nous sommes tus au point que nous pensions qu'il allait le nommer par autre que son nom. Il a dit, n'est-ce pas le jour du sacrifice? Nous avons dit, oh que oui. Il a dit, quel mois sommes-nous? Nous nous sommes tus au point que nous pensions qu'il allait le nommer par autre que son nom. Il a dit, ne sommes-nous pas le mois de Dhul-Hijjah? Nous avons dit, oh que oui. Vos biens, votre honneur sont sacrés, comme le caractère sacré de ce jour-ci, de ce mois-ci, dans ce pays-ci, que celui qui a été témoin transmette à celui qui est absent, et que celui qui est témoin, il se peut qu'il le transmette à celui qui saisisse mieux que lui. فيؤخذ من هذا الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب وجوب البلاغ ممن أتاهم الله علما غيرهم ممن يجهلون العلم الشرعي كل في بيئته وكل في مجتمعه بل في كل مكان يحل فيه أو يحل فيه طالب العلم المسلمون إخوة قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وحاجة الجهال إلى العلماء أعظم من حاجتهم إلى طعامهم وشرابهم وحاجاتهم الدنيوية وأن الله سبحانه وتعالى لقد أخذ العهد على العلماء أن يبلغوا وتوعد الكاتمين بأشد الوعيد فقال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. Ici, de ce hadith, on tire comme utilité, d'après la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui a été témoin le transmette à celui qui est absent. On tire de ce hadith, donc de cette parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation de transmettre, que celui qui a reçu la science légitime doit le transmettre à autre que lui, parmi ceux qui ignorent la science légitime, et que ce soit dans l'environnement où la personne vit, que ce soit dans sa société, et même plutôt dans tout endroit où on trouve une personne qui recherche la science. Les musulmans sont des frères. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, les croyants sont des frères. Et les ignorants, donc les personnes qui sont ignorantes, ils ont un besoin de savants. Et leur besoin de savants est plus important que leur besoin de nourriture, est plus important que leur besoin de boisson et tout bien matériel. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement des savants de transmettre. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux gens de science de transmettre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé d'une terrible menace ceux qui cacheront la science, qui ne la divulgueront pas. Allah azza wa jal a dit, et lorsque Allah prit de ceux qui ont reçu le livre cet engagement de le mettre en évidence et de ne pas le cacher aux gens, c'est-à-dire la science. فهذه الآية عندما قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّنونه للناس ولا تكتمونه وإن كانت هذه الآية نزلت في أهل الكتاب فإنها عامة لأن القاعدة التالية تقول إن العبرة بعموم اللفظ مش السبب فإن هذه الآية عامة تتناول كل من أتاه الله علما من علم الشرع وكتمه على الناس. Et donc, ce verset qu'on a mentionné, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et lorsque Allah prit cet engagement, prit l'engagement de ceux qui ont reçu le livre, de le mettre en évidence et de ne point le cacher. Ce verset, bien qu'il fût révélé pour les gens du livre, ce verset est d'un thème général, car il y a une règle qui est mentionnée par les gens de science, qui est une leçon qu'on tire, une leçon qu'on tire. Donc la leçon qui est tirée d'un point, c'est-à-dire d'une phrase ou même d'une parole, celle-ci est d'un terme général. Non, elle se limite à la cause. C'est-à-dire, lorsque, ici dans ce verset, lorsque Allah Azza wa Jal a ordonné aux gens du livre de transmettre la science et de ne point la cacher, si ce point, cette leçon, cette règle, elle est d'un terme général. Elle ne se limite pas simplement aux gens du livre. Bien que ce verset ait été révélé pour les gens du livre, cette règle ou ce jugement est pour la communauté. Et donc, concernant donc la science, il est une obligation que ceux qui l'ont reçue de la transmettre et de ne point la cacher. إذن كما قلنا وإن كانت هذه الآية نزلت في أهل الكتاب فإنها عامة لأن العبرة لعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، فإنها هذه الآية تتناول كل من أتاه الله علما من علم الشرع وكتم عن الناس. Et donc ce verset, il englobe tous ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la science, c'est-à-dire la science légitime, et qu'il l'a cachée, et qu'il l'a cachée aux gens. Imma mutasharilan bi dunya wa imma muttakilan ala ghayr. Que cette personne, elle a caché la science aux gens, soit qu'elle a été occupée par la vie d'ici-bas, ou bien qu'elle a été occupée en côtoyant des personnes. وذلك كله يكون عظة لطالب العلم الذي أو لأنه تحمل المسؤولية بما أتاه الله من علم. Et donc ceci, ce point de qu'on vient de voir, cela est une exhortation à toute personne qui recherche la science. Celui qu'il porte la responsabilité en ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme science. وَكَمْ لَهُ مِنْ أَجْرٍ أي الطلب العلم لأنه سلك في تعليم الخلق وفي النصح له مسلك الأنبياء أو الرسل الكرام. Et donc, celui qui transmet la science avec sincérité, qu'il aura une grande récompense du fait qu'il a suivi les nobles messagers en enseignant les gens et en étant et en conseillant les gens. Donc, s'il transmet la science avec sincérité dans le but de leur enseigner ce qu'ils ne savent pas et dans le but de les conseiller, il aura une énorme récompense. Et il aura imité et il aura suivi les nobles messagers. Alayhi salatu wa salam. Idan, annallaha subhanahu wa ta'ala haddara min al-kitman. أن الله سبحانه وتعالى حذر من الكتمان بأبلاغ الوعيد. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا تواب رحيم. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde de dissimuler, de cacher la science. Et il a mis en garde, en menaçant terriblement ceux qu'ils agissent ainsi, de cette manière. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme preuve et guidé, après que nous ayons mis en évidence aux gens le livre, ceux-là, c'est-à-dire ceux qui agissent ainsi, Allah les maudit. Et les maudisseurs les maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, qui ont corrigé et qui ont éclairci. À ceux-là, j'accueille leur repentir. Et je suis l'accueilleur du repentir et le miséricordieux. Donc ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous a montré que celui qui a reçu la science, qui a la science, et qui la dissimule, qui la cache, qui ne veut pas montrer la vérité aux gens, Allah le maudit, ainsi que les maudisseurs. فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنَ الْكِتْمَانِ لِمَا فِيهِ مِنَ الشَّرِّ وَلِمَا يَعْقُبُهُ مِنَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من النار. Et donc, il faut grandement se méfier de cacher, de dissimuler la science en ce qu'il y a comme mal et en ce qu'il peut engendrer comme terrible menace a été authentifié d'après le hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah dans son Musnad et également par Abu Daoud dans son Sunan. Ce hadith a été authentifié par les gens de science, comme le très grand savant, Cheikh Mohammed ibn Nasser al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala, et également le très grand savant, Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahimahullah ta'ala. Ce hadith mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cache une science qu'il connaît, man katama ilman ya'lamuhu, celui qui cache une science qu'il connaît, il viendra le jour de la résurrection ayant des brides de feu. Idan فلا بد من البلاغ ولا بد من البيان. Et donc on comprend qu'il est une obligation de transmettre et de mettre en évidence. Mais petite parenthèse, comme on le verra inchallah dans le chapitre qui va suivre, celui qui doit transmettre et celui qui a étudié, qui a la science, qui a étudié auprès des gens de science, et donc c'est une obligation donc de transmettre et de mettre en évidence. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala akhadha 'ala al-jahil أن يتعلم فإن لم يتعلم أي الجاهل فقد ظلم نفسه وقامت حجة الله عليه. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à celui qui est ignorant d'apprendre. Et donc, si l'ignorant ne désire pas apprendre, il s'est fait du tort à lui-même. Et la preuve d'Allah lui a été fournie. Comment ? عندما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Et comment la preuve d'Allah lui a été fournie, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et interrogé les gens du rappel, c'est-à-dire les gens de science, si vous ne savez pas. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a disposé pour ceux qui n'ont pas la science des savants, et que celui qui n'a pas la science, il doit revenir aux gens de science, les questionner. وأيضا فقد جاء في سنن أبي داود وفي سنن النسائي وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا سألوا إنما شفاء العي السؤال. وأيضا قال الزهري رحمه الله تعالى كما جاء في سنن الدارمي أنه قال العلم خزائن مفاتحها السؤال إذن فلا بد من السؤال. De même, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été mentionné dans le sunnan de Abu Daoud, de An-Nasa'i et dans le jami' de Tirmidhi, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que celui qui n'a point de science, qui ne connaît pas tel et tel jugement concernant la législation, qu'il interroge les gens de science. C'est dans un récit, lorsque des compagnons étaient partis en voyage et que l'un d'entre eux, une nuit, il était en impureté majeure. Et ce compagnon, radiallahu anhu, était blessé. Il avait une balafre sur la tête. Et il avait peur d'accomplir la grande ablution. Et il a interrogé les compagnons qui étaient présents avec lui. Et ils ont jugé, ses compagnons, qu'il n'avait ou qu'il ne pouvait faire, qu'il ne pouvait pas recourir aux ablutions chestes, c'est-à-dire le tayammum. Ils lui ont dit d'accomplir la grande ablution en utilisant de l'eau. Et lorsqu'il a accompli la grande ablution, il est décédé. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu mention de ce fait, il a dit Allah sa'alou, pourquoi n'ont-ils pas interrogé? Et certes, le remède de l'égarement est la question. C'est-à-dire que la personne, si elle ne veut pas être égarée, elle doit questionner. Elle doit revenir aux gens de science. Ce hadith est clair pour dire que les serviteurs doivent revenir questionner les gens de science. Et de même, il y a un autre athar qui vient appuyer ce dire. C'est Az-Zuhri, rahimahullah ta'ala, comme cela a été mentionné dans Sunan al-Darimi, qu'il a dit, la science a des caisses de trésors. Et ces clés, pour ouvrir ces caisses, C'est la question. Et donc, on comprend du verset qu'on a mentionné, du hadith qu'on a mentionné également, et de la parole de Zuhri rahimahullah, qu'il est une obligation que celui qui ne connaît pas tel et tel point, qu'il revienne aux gens de science. والسؤال الناس للعلماء يكون بلسان الحال وبلسان المقال. Et donc ici, les gens de science ont mentionné que lorsque les gens interrogent, questionnent les savants, cela peut se faire de deux manières, de deux façons. Le questionnement des gens aux savants se fait de deux manières. Lisan al-maqal wa lisan al-hal. Le premier, c'est celui qui se traduit ou se définit par un rapport. On va expliquer ce qu'ont dit les gens de science concernant cela. Et le deuxième, cela se traduit par un état, une circonstance. أولا اللسان المقال فهو التوجيه بالأسئلة من الناس سواء مشافهة أو محررة إلى العالم فيجيب العالم بحسب قدرته وفي حدود علمه فإن لم يعلم المسألة وحلها فعليه أن يتقي الله ولا يقول فيها شيئا بل يرشد إلى غيره. من لديه العلم في ذلك فإن لم يكن لديه علم في ذلك فيبحث حتى يصل إلى الحق وأن الله سبحانه وتعالى سيعينه حتى يصل إلى الحق الذي ينشده. Tout d'abord, donc pour le premier cas, donc le premier cas, on a dit, c'est un, donc la question que les gens émettront aux savants, cette question, donc, se traduit par un rapport. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre les gens et le savant, un rapport direct. C'est que les gens vont s'orienter vers le savant en lui posant des questions oralement ou même par écrit. Et le savant répondra à ces questions selon sa capacité et selon les limites de sa science. Et si le savant ne connaît pas cette question, ou s'il ne connaît pas la réponse, alors il doit craindre Allah Azza wa Jal. Et il ne doit pas dire ce qu'il ne connaît pas concernant cette question. Mais plutôt, il doit aiguiller, diriger la personne vers autre que lui. Et si cette personne vers qui il a dirigé n'a pas de réponse également, alors la personne, elle va chercher jusqu'à ce qu'elle trouve la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, elle aidera cette personne qui est sincère jusqu'à ce qu'elle trouve la vérité. Jusqu'à ce qu'elle trouve la vérité. وأما اللسان الحال وهو أن يرى العالم الجاهل يتخبط في جهله. لا يسأل العالم ولكنه حاله بمنزلة السؤال باللسان كأنه لا يحسن الطهارة أو لا يحسن كيفية الصلاة فبادر العالم إلى تعليمه فإنه قد سأله بلسان الحال. Deuxième. Donc la deuxième manière que les savants ont mentionné, le questionnement des gens aux savants. Ce questionnement peut se traduire par un état, par une circonstance, c'est-à-dire, je change ces propos, c'est-à-dire que le savant, il se peut qu'il voit un ignorant, une personne qui est ignorante, qui patauge dans son ignorance, que ce soit par exemple concernant la croyance. Cette personne qui est ignorante n'a point interrogé de manière directe le savant, mais l'état dans lequel se trouve cet ignorant, c'est comme s'il avait interrogé le savant. Par exemple, si cette personne ne maîtrise pas la purification, c'est-à-dire que le savant éventuellement voit un ignorant qui accomplit les ablutions, mais qui n'accomplit pas les ablutions de manière parfaite. Ou bien même que le savant voit la personne accomplir la prière et que également cette personne n'accomplit pas la prière d'une manière correcte. Alors le savant, il est une obligation pour lui de s'empresser à enseigner cette personne ignorante. Et cette personne ignorante, les ablutions, ou bien qui a accompli la prière d'une manière incorrecte, c'est comme s'il avait interrogé le savant dans sa manière d'accomplir ses actes d'adoration. وما قصة المسيء صلاته عن الأذهان البعيدة. Et donc le récit de celui qui a mal accompli sa prière n'est pas loin de nos esprits. C'est un hadith qui est connu de tout le monde, qui est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, par Muslim également dans son Sahih. C'est une personne, un compagnon, qui est entré dans la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a accompli la prière, mais d'une manière incorrecte. فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى ركعتين فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. ثم قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. Et donc, ce compagnon, il est entré dans la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, s'y trouvait dans la mosquée. Il a accompli deux unités de prière. Ensuite, il est venu vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a salué le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, retourne et accomplis la prière, car tu n'as pas accompli la prière. Et il lui a mentionné cela trois fois. Et ensuite, ce compagnon a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne maîtrise que cela, enseigne-moi. Et ici, une petite utilité qui a été mentionnée des ulama, bien que cela ne soit pas le sujet. Comme l'a mentionné le très grand savant, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, que celui qui était ignorant et qui a mal accompli ses prières, il n'a pas à rattraper ses prières. Ici, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il lui a dit de prier, mais il ne lui a pas dit de rattraper toutes ses prières qu'il a accomplies auparavant. Car quand il lui a dit « retourne et prie », il ne lui a pas dit de rattraper les prières qu'il a accomplies les autres jours. Ceci est une petite utilité qui a été émise par le très grand savant Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et donc ici, عندما قال فعلمني فقوله له فهنا السؤال بلسان المقال وذلك بعد أن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حكم صلاته التي صلاها فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة والصلاة في ركعة واحدة ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها. Et donc, lorsque ce compagnon a dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, enseigne-moi. Donc ces propos qu'il a tenus au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ici, est une question de rapport. Le premier cas qu'on a vu. Et lorsque il a entendu, et cela, lorsqu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jugement de la prière qu'il avait accomplie, que c'est-à-dire que sa prière qu'il avait accomplie était nulle. Et donc il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui enseigner. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné la purification et lui a enseigné comment accomplir la prière, et il lui a enseigné donc la prière en une seule raka'a, et à la fin du hadith, Il lui a dit, accomplis cela dans toute ta prière. فنرجع إلى الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه فقال أي يوم هذا فسكتنا حتى بلغنا أنه سيسميه سيوسيه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى بلغنا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى فإن دماءكم وأموالكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. Et donc, ici, عبد الرحمن بن أبي بكر, d'après son père, a mentionné que le prophète صلى الله عليه وسلم était assis sur sa chamelle et qu'un individu tenait les brides. Il a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam, quel jour sommes-nous? Nous le sommes-tu au point que nous pensons qu'il allait le nommer par autre que son nom? Il a dit, n'est-ce pas le jour du sacrifice? Nous avons dit, oh que oui. Il a dit, quel mois sommes-nous? Nous nous sommes-tu au point que nous pensons qu'il allait le nommer par autre que son nom? Il a dit, ne sommes-nous pas le mois de Dhul-Hijja? Nous avons dit, oh que oui. Il a dit, certes, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés. Sacrés de ce jour-ci, de ce mois-ci et de ce pays-ci. Hona. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فبعضهم قالوا الله ورسوله أعلم كما جاء ذلك في بعض الروايات وبعضهم أتوا بالجواب وبعضهم سكتوا كما في هذه الرواية فصار الاختلاف بينهم جهة أجابوا وجهة سكتوا وجهة قالوا الله ورسوله أعلم. Ici, comme a été mentionné dans certaines variantes de ce hadith, vous pouvez... Ibn Hajar al-Asqalani رحمه الله تعالى. Lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a posé ces questions, certains ont dit Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants. D'autres ont répondu et d'autres se sont tus, comme dans cette variante. Et donc, il y a eu une divergence entre eux, c'est-à-dire entre eux, les compagnons. Certains ont répondu, d'autres se sont tus, et d'autres ont dit « Allah et le messager sont les plus savants ». فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة لأنه سيبنى عليها تقرير لما سأل أراد أن yuqarrira dhalika la. Et donc, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a posé ces questions, donc les questions qu'il a posées, le but, c'était que les compagnons approuvent ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam allait leur donner comme réponse. Wa aydan arada an-nabi sallallahu يبين عظمة الدم والمال والعرض للمسلمين يربطها بحرمة اليوم والشهر والبلد. Et donc ici le message sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en évidence l'importance du sang, c'est-à-dire de la personne, l'importance le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en évidence l'importance de la personne, du sang de la personne. Il a mis en évidence également les biens des personnes. Il a mis également en évidence l'honneur des musulmans. Et il a lié l'importance du sang, des biens et de l'honneur, il les a liés au caractère sacré du mois de Dhul-Hijjah, du jour du sacrifice et du pays dans lequel il se trouvait qui était Mina, Mecca. Wa hadha yadullu ala 'azamati قتل الأنفس والاعتداء على الناس في أموالهم ودمائهم وأعراضهم فكل ذلك يدل على خطورة هذا الأمر. Et donc ici, le message d'Allah صلى الله عليه وسلم donc a montré, a mis en évidence aux gens. Donc, l'importance donc, du sang, de la personne, des biens et de l'honneur des musulmans. Et cela indique la gravité de tuer des gens, d'agresser des gens en leur prenant leurs biens, et également en profanant leur honneur. Et tout cela montre la gravité d'agir ainsi. Faddima'u sawa'un kanat bil qatli أو بالجرح بإزهاقه كل ذلك حرام فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين الجنة بملء كف من دم هزقه فليفعل. Et donc, le sang des personnes, que la personne donc vienne à tuer une personne ou qu'elle vienne à le blesser, simplement en le blessant, en lui versant son sang, tout cela est illicite, interdit. Et il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui peut que ne vienne s'interposer entre lui et le paradis, de verser le sang d'une personne, fût-ce le contenu de la paume d'une main, qu'il le fasse. C'est-à-dire, ici le messager sallallahu alayhi wa sallam nous explique et nous montre donc de la gravité de blesser une personne, même si en ayant fait écouler le sang à cette personne, son contenu est peu. Alors que pensez-vous de ceux qui tuent? وأما الأعراض فهي ما تتعلق بالإنسان في نفسه أو في نسبه أو في أصله. Et quant à l'honneur, l'honneur, c'est ce qui est en relation avec la personne elle-même. Elle-même. Ou bien, ça peut être également sa parenté. Ça peut être également aussi son origine. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب. فهنا الذي سمعتم مني أيها الحاضرون, كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي سمعتم مني أيها الحاضرون ليبلغ شاهدكم غائبكم, أي أدوا هذا الحديث وهذا البيان في هذا الموقف العظيم في ذي الحجة في يوم النحر في منى, عليهم أن يبلغوه من وراءه إلى البلاد التي جاءوا منها, يرجعون إلى بلدانهم ويبلغون ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم لبيان عظمة حرمة النفس والمال والعرض. Et donc, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui est témoin le transmette à celui qui est absent, c'est comme si le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que vous avez entendu de moi, ceux qui sont présents, transmettez-le à ceux qui sont absents. Transmettez cette annonce, cette clarification dans cet endroit ou dans cette situation sacrée, c'est-à-dire dans ce mois-ci qui est Dhul-Hijjah, dans ce jour-ci qui est le jour du sacrifice, dans ce pays-ci qui est Mina, qui se trouve près de Mecca. Donc transmettez-le. Vous devez le transmettre à ceux qui se trouvent dans vos pays, que lorsque vous reviendrez dans vos pays, transmettez ce que vous avez reçu de moi, afin de mettre en évidence, d'exposer aux gens le caractère sacré de la personne, des biens et de l'honneur. فننتقل الآن إلى الباب التالي. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين، أي علماء، حكماء، فقهاء. الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم. Et donc, on va passer aujourd'hui au nouveau chapitre, qui est le chapitre numéro 11. Le titre du chapitre que lui a donné Al-Bukhari rahimahullah est « La science avant la parole et l'acte ». D'après la parole d'Allah le Très-Haut, sache donc en vérité qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Surat Muhammad. Il a commencé par la science. Et les savants, certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Ils ont hérité la science. Celui qui l'acquiert a certes acquis un immense bienfait, ou une immense part. Et celui qui suit ou qui emprunte un chemin pour rechercher la science, Allah lui facilitera un chemin pour le paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: parmi mes serviteurs, ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. Et il a également dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne les comprennent, c'est-à-dire les paraboles, que les savants. Et ils ont dit, c'est dans Surat al-Mulk, et ils dirent: si nous avions entendu ou nous avions raisonné, nous ne ferons pas partie des gens de la fournaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: dis, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont équivalents? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: seulement la science ne s'acquiert qu'avec l'apprentissage. Et également, Abu Dharr radiallahu anhu a dit: et si vous placez l'épée sur ce membre, et il a montré sa nuque, puis je suis convaincu que je transmettrai des paroles que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que vous m'exécutiez. Et Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit concernant la parole d'Allah le Très-Haut: et soyez des éducateurs. Le sens, c'est savant, sage et doué de compréhension. Et on dit d'un éducateur, Abrabani, est celui qui éduque les gens en commençant par les points de science simples avant les points importants. Fa at-tarjama babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. ذلك لأن العمل لا يعرف ولا يحسنه صاحبه إلا بعد العلم بكيفية أدائه. لأن العلم إمام للعمل. Et donc ici, le titre qu'a donné Al-Bukhari, rahimahallah, chapitre. Et cela, c'est que l'acte ne peut être reconnu et que la personne ne peut exceller dans la pratique que après avoir reçu la science pour pouvoir accomplir d'une manière correcte l'adoration. La science est un guide, sert de guide à l'acte. وَإِذَا اِجْتَمَعَ فِي الْإِنْسَانِ الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ مَعَ الْإِخْلَاصِ فَهُوَ مِنَ الْمُنْعِمِ عَلَيْهِمْ. النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et celui, donc l'inserviteur, qui réunit la science et l'acte avec la sincérité, en étant sincère dans l'apprentissage, en étant sincère dans l'adoration, alors celui-ci, il fait partie de ceux que Allah a comblés de bienfaits, dont il les a mentionnés dans un seul verset. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là sont ceux que Allah, ceux-là seront avec ceux que Allah a comblés de bienfaits. Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. وَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ فَقَدْ سَلَكَ طَرِيقَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَهُمَ الْيَهُودِ وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْجَهْلِ فَقَدْ سَلَكَ طَرِيقَ الضَّالِّينَ وَهُمَ النَّصَارَى. Et donc celui qui apprend et qui ne met pas en pratique, il a certes suivi le chemin de ceux qui ont couru la colère d'Allah, Azza wa Jal, qui sont les Juifs. Et celui qui adore Allah avec ignorance, il a certes suivi le chemin des égarés, qui sont les chrétiens. Idan, fala Buddha, fa idha kana al-amru kadhalik. فلا بد للإنسان أن يبدأ بالعلم قبل العمل. لهذا أن الله عز وجل أمر أشرف خلقه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Et donc si le cas en est ainsi, il est une obligation. On commence par la science avant l'acte. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à sa plus noble de ses créatures, qui est notre prophète, notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, sache donc en vérité, ou apprends, qu'il n'y a point de divinité à part Allah. La ilaha illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Et donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la science. Il a incité le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à commencer par la science. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Ici, implore le pardon. فَهَذَا إِمَّا قَوْلٌ وَإِمَّا عَمَلٌ أَوْ فِعْلٌ عندما يقول العبد أستغفر الله فهذا قول وعندما يصلي العبد أو يحج العبد فكأنما يطلب من الله المغفرة فلهذا قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Et donc dans la suite du verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Ici, l'imploration de pardon peut se faire soit par une parole ou soit par un acte. Quand la personne, le serviteur, dit « Astaghfirullah », c'est une parole. Et quand le serviteur accomplit la prière ou qu'il accomplit le pèlerinage, quand il accomplit cette adoration qui est un acte, c'est comme il recherche dans cette adoration, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui pardonne ses péchés. Et donc, c'est pour cela qu'Al-Bukhari, rahimahallahu ta'ala, a dit après ce verset, فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Et donc il a déduit le Bukhari rahimahullah de ce verset que Allah a commencé par la science avant la parole et l'acte. فَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدَرْ هَذَا الْيَوْمِ وَإِنْشَاءَ اللَّهِ بَعْدَ أُسْبُوعَيْنِ سنواصل ما بقي من هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. Et donc on va se contenter de ce qu'on a vu aujourd'hui. Inch'Allah, dans une semaine, on poursuivra, si Allah le veut, donc ce que les savants ont mentionné par rapport à ce chapitre. Donc Inch'Allah, comme je vous l'avais prévenu, la semaine prochaine, je ne peux pas donc être présent. Donc le cours sera dans 15 jours, après la Asr, toujours. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.